bétolo banata, pour le meilleur et pour le pire. Salut Tachamala. Pardon, chéri, comme les bisous, t'es vite, il a la rive, mon ami. Didier Drogba, et de Golombili. Pourquoi, pour y'a qui a y'a qu'à, on sait, on fait cette avoir au bac, il est bilé, on s'en y'a mal, ça n'a si mal, on s'en voit, j'ai dit. Coco Rubenga. Fakim pour la bosse, un qui conseille à papa un goyou. Blondine Mania, jolie Mayala, Sibi Olele. Jato Nayo, Paradina, la Kokabado, Poussanamate. Il a mal à la moto à côté de la tête à 1 mm. Et j'ai un aimé, qui a mes témoins, ma famille, Péva Masta. Pour le robot de colpé, mon gars, c'est là où l'on est. Tout autour de nous, pas anti-valeur, pas salaud d'amour, pas salaud du verbe. Adios à joyeux, on en a eu 24 carats. Et qui est sans faire maillot, il est qui a ta ouïe, il y a venu. Adios, faut qu'on s'y dise un peu, ça y est, on a pris ça. Adios, Chérera, Djoujo, Abiba. Chéria, France, Nala, Oye, Bintina, Kolo, Kamban, un moyen de vivre. La Ikoya, RDC. Tout mon pas de passe. Barrière pensée, quand on la boit, quand la maillie, dans mon cœur, Obeyame. Abia, Roger, Kayembe. Elle est mon âme, je suis son corps. Dieu a créé l'air qu'on respire, et l'homme a inventé les minutes. Rencontre mère, voici ma prière. Sachons discuter sans nous disputer. Excellence Bailly du Haribo, en Guinée. Béhé qui t'envoie, Zaza qui t'envoie la souffrance. La belle Fatou Barou. Chérie, ce qui est un ami au poisson, j'ai un bébé. Va espérer, va quitter, va profiter. Même pas dans la vie, on peut combien de temps. Va contre mon lema, va ni ma caté. Allez, à mon amour, il y a des distances, Pérance, Jets, ouais. Bélis aussi dans moi, Macanisé Nagnon, Namoro Sagé, André Bayor, Henriette Sangina, Nina Boutique. Entre la main aux frontières, ils allaient sous-souffler. Pour nous, c'est sa liaison, l'anglais, sa mission d'Anaïo. Le collègue de l'étranger, il s'en a la canal privé. Et comme un collègue, il m'a encore avec ma belle en bois tout brisé. Ah ouais, quand ça m'a dit, il m'a pas bien appuyé. Voilà. Pour connaître de l'être vie, il s'en a la canal travée. C'est comme un calèbre, il nous couvre des matins en mode double D. Amené que ça n'a ni moto de ma main. Amoureux des séries, ma parent dit disque, ma parent del piolo, ma parent Rox, Max, mon ami féminin, qui s'en jura. Chic, ils a rien, chic, ils a peu, chic ne suffit pas, chic est pour quitter. Chic, parasite, chic, trop léger. On a goût d'épiner, bien d'indi. Grand-père de maître, Sylvie de Dieu. Maman Rifan à Londres. Chic, les aïens, chic, les appels. Innocent Singa. Ne suffit pas, chic est pour quitter. Chic, parasite, chic, trop léger. On a goût d'épiner, bien d'indi. Grand-père de maître, tous pépélés en métolo. Yona mama Emeline Zimbabola na Katangote. Papi et Kondo Planète TV. Nanou Bongwele. Nanou Makiesi. Nanou Makiesi. Nanou Makiesi. Nanou Makiesi. Nanou Makiesi. Nanou Makiesi. Nanou Makiesi. éternité, mon innocent qui occupe une grande José Lima Poisse, André Yanzoto Nayo, Pona Mandela, Kokila Yo, Adali Gumba, Amalou Banamaye, Aboulingo, Mamilea, toute la beauté y a diamant dans tes yeux, El Nyambouma, El Nyambouma. On a une mission et comme il y a un moment où il faut compliquer mon abattre. Et surtout mais alors faites-moi quelque chose à bien, à se retrouver là où évitez que maintenant qu'on a battu moi sur ma maman balle. Attends-moi 4000 euros à pas mais c'est le logo nini. Faites-moi la battre. Et puis ton bengi, les a yambite, et comme il y a un problème. Évitez que réseau est la carte, vous me battez, restez la carte. Fais ça, et oh problème, comme vous voulez. Et si vous voulez, vous voulez la carte, vous voulez ma bouille bouille. On l'a relié à Mink, mouton d'un homme d'été avant. Marie Pires, Nina Pires, Claude Pires. Shell top model, Sika Loboko, Gigi Loboko, Bijou Makuma, Yvonne Izzy, Gisèle Ngangwele. Chic, ils a rien. Chic, ils a tu bois poula. Chic ne suffit pas. Francis Ngando la Madrid. Chic, Paris, Dan Zobé. Chic, trop léger. On a goût des pignes. Camionnette Mola, d'un peu de mer. Si seulement mon thème est dans la quina, formé à monter. C'est pas mal à toi. Poison Gorbatchev. Oh, contre les quantités, à mon adresse, à ma Kamba Kamboufoula. La classe à Kayoan, la catégorie à pas joyeux. Chantal Louemba. À sa mon homme Natacha Fala. Oh, Suzy Ballon d'Or.